Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 2 décembre 2014. Luc Desormeaux au micro, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine, petit problème d'enregistrement. Je suis en voyage d'affaires au Nouveau-Brunswick et mon internet n'est pas super bon. Donc, j'ai eu des problèmes de connexion et malheureusement, j'ai perdu une partie du podcast. Donc, il nous reste seulement la deuxième partie où on parlait du salon de l'auto de Los Angeles. Dans la première partie, là, on avait Jean-François qui était là avec Martin, mais Jean-François nous parlait de Uber, qui est un service de taxi qui commence à faire du chemin un peu dans le monde et qui fait bon un petit peu de trouble à Montréal. Puis on parlait aussi d'un volant de course pour la Porsche 919. Donc on a ces deux sujets-là. On va les reprendre dans une émission un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous laisse avec la partie où on parlait du salon de l'auto de Los Angeles. Donc merci et bonne écoute, puis je m'excuse pour les problèmes qu'on a pu avoir. Il y a une couple de produits intéressants qui ont été présentés au salon de Los Angeles. C'est sûr que c'est pas le salon de Détroit, puis c'est pas le salon de nécessairement certains salons d'Europe où il y a plein de choses qui sont présentées, comme celui de Paris, des choses comme ça. Mais le salon de Los Angeles qui a quand même eu plusieurs choses intéressantes. Vous pouvez aller lire mon article sur le blog de Kijiji, frkijijiblog.com dans la section véhicules. Les photos sont gracieuseté de M. Marc Bouchard de Autogo. Je communiquais avec parce que lui, le chanceux, était ben, pas le chanceux, c'est son travail. Il a mérité de faire ça dans la vie, là. Il a travaillé fort pour se rendre jusqu'à ce qui est rendu. Chanceux quand même. Oui, chanceux quand même, mais je veux dire, il a pas eu ça. Et voici, Marc voyage souvent partout. T'as rien fait pour prouver ta valeur. Là. Il a travaillé fort pour se rendre où ce qui est rendu là. J'ai demandé à Marc, j'ai dit, est-ce que tu prendrais quelques photos pour moi que je mettrais dans mes articles? Ça serait mieux que des photos génériques de constructeurs. Puis il a accepté. Donc, j'étais très content. Merci Marc. Donc c'est ça. Il y a eu le nouveau Explorer qui a été présenté. L'Explorer que je déteste pas. C'est un VUS qui est un petit peu trop gros pour mes besoins personnels. Moi, j'étais allé avec un Escape au lieu d'un Explorer, même si je l'avais regardé, ou un Edge, là, que je trouvais quand même assez joli. L'Explorer, c'est quand même un gros bébé qui a été bon présenté. C'est le 2016. C'est le VUS, le plus gros VUS que Ford fait. Oui, chez Lincoln, il y a le Navigator qui est plus gros que ça, là, mais chez Ford, on n'a pas plus gros que l'Explorer. Qu'on a abandonné, je pense que c'était l'Expédition qui était l'équivalent du Suburban. Navigator, du Suburban, c'est ça, chez GM. Là. Donc, bon, Ford, c'est pas un tout nouveau Explorer, là. C'est vraiment un plus un refresh, j'imagine, qu'une toute nouvelle plateforme. Un nouveau vieux Explorer. Non, mais c'est ça. Ben, on l'a rafraîchi, il est plus moderne. On a aussi rajouté des choses comme des lumières, des phares ADEL, puis toit panoramique. Je sais pas si l'ancien Explorer. J'ai pas suivi vraiment la vie de l'Explorer. Là. J'ai suivi un peu plus le Edge puis l'Escape. C'est plus dans mes moyens, mettons. Il aurait pris une forme de camion un peu plus, là, je te dirais. Ouais, ben l'Explorer l'avait gardé quand même un peu. Mais il était basé sur l'ancienne plateforme de Volvo S80, je pense. Ouais. Ça, il avait pris une forme, tu sais, un peu d'une grosse familiale. Ouais, c'est ça. Ben, plus, maintenant, il a repris une forme un peu plus camion, le carré. Ouais, c'est un peu la mode, hein, les moyens lancés. Les VUS sont rendus pas mal tout avec des courbes et tout ça. Il y a pas si longtemps que ça, c'était une boîte carrée, là. C'est presque une boîte de céréales, un VUS. Oui, non, ce que je veux dire, c'est l'Explorer tel qu'il était avant qu'on vienne de le refaire, là. Ouais. Il avait pris une forme de grosses autos 4x4, si tu veux. Là. Il était très élancé, il était beaucoup moins agressif que beaucoup d'autres. Là. OK. Ouais, là, il a repris un peu dedans. Un petit peu plus méchant. Sur le modèle qu'ils ont présenté, ils ont mis des jantes de 20 pouces. Là. Je serais pas nécessairement preneur pour un VUS avec des jantes de 20 pouces. Là. Ça va pas loin dans le bois. Ouais, c'est peut-être du 18, du 19, là, c'est quand même pas pire. Du 20, ça commence à être gros. Côté motorisation, ben là, il reçoit un 4 cylindres de 2.5 litres turbo compressé. Ceux qui suivent un peu les produits Ford vont savoir que c'est le même 4 cylindres qu'on retrouve dans la Mustang. Oh, était la question que je me posais justement. Ouais, c'est le même moteur EcoBoost qu'on retrouve dans la nouvelle Mustang 2015. Puis c'est ça, ça développe 300. Ben dans Mustang, il développe 305 chevaux, 300 livres-pieds de couple, à peu près. Donc, est-ce qu'on va avoir la même puissance ou on va le descendre un peu plus bas en chevaux? Parce qu'on est capable de jouer un peu avec un petit peu plus, un petit peu moins, avec les Les moteurs turbo, là. programmations peuvent changer beaucoup. Et ça, fait que ça veut pas dire que ça va être ça. La puissance n'a pas été annoncée, mais ça va jouer dans ces eaux-là, le 290 à 300 chevaux pour l'Explorer. C'est correct, genre, de voir comment ça va se comporter côté consommation d'essence, parce que un moteur 4 Pesant. cylindres turbo, hein, c'est ça, c'est pesant. Un 4 cylindres Ben. turbo, ça se comporte pas pire sur l'autoroute à vitesse constante, mais si on commence à tirer un peu ou si on commence à le faire travailler un peu, souvent ça consomme Bon, plus le qu'un même V6. principe qu'un 150 EcoBoost qui Ouais. boit comme un 8 pratiquement, quand du moment qu'il travaille pour dire qu'il travaille. Ouais, mais même une connaissance à moi a son, je pense que c'est son père qui a acheté un EcoBoost, un F-150 EcoBoost, puis il y avait un V8 avant, puis quand il fait travailler son moteur EcoBoost, là, il dit que ça consomme plus que son ancien V8. Ah ouais. Ouais, c'est pas économe quand ça travaille, Non, mais non. Pour faire pout-pout-pout, s'en servir comme une auto, c'est très économique, par c'est ça. exemple. Mais pour travailler, là, c'est pas. Aussitôt que tu fais travailler un moteur turbo, ça va consommer plus. De nos jours, de toute façon, il y a tellement de gens qui s'achètent un pick-up juste pour avoir un pick-up. Ils Ouais. s'en servent comme une auto, de toute façon. Ouais, C'est pas. déménager une table ou un meuble une fois de temps en temps. Il y a une clientèle pour ça, là. J'ai même pas peur. Non, non, mais il y a des gens qui trouvent le look, le design d'un camion, d'une Plus camionnette. attrayant. C'est ça. Moi, je trouve ça beau. J'aime le F-150, puis j'aime ce Oh, mais type de j'ai toujours dit véhicule-là, qu'il mais. aurait dû quand même ramener le nouveau Ranger. Ça aurait été beaucoup moins encombrant, puis il y aurait eu encore plus de clientèle. Moi, je sais pas s'ils vont le ramener en Amérique du Nord. Il se vend encore ailleurs, là. Oh, il s'est vendu ailleurs. La réponse de Ford, c'était qu'il cannibaliserait la vente des F-150 V6 avec des vitres à manivelle. J'ai trouvé ça très triste. Ouais, mais faut jamais dire jamais quand même, parce qu'il y a d'autres Non, compagnies non. qui Ben s'en là, viennent avec des je dis ça, petits. GM, et il travaille à. À un petit. Elle travaille sur son petit. Ouais, c'est Peut-être son que. petit camion. Fait que Ben, vraiment, quoi, là, pas le choix. même que c'est quand GM a décidé d'abandonner Colorado Canyon pour la génération d'après, que Ford a changé d'idée, parce qu'au départ, le Ranger venait ici. Ouais. Fait qu'on va voir ce que ça donne pour ça. On s'écarte du Mais sujet un peu. bon, on s'écarte une petite affaire du Explorer. Autre produit intéressant, le nouvel Chrysler 300. Ça aussi, c'est plus un rafraîchissement de la voiture. On lui donne un look pour qu'il va venir rechercher. Je sais pas si vous avez vu les nouveaux Challenger, puis le nouveau Charger. On a changé un peu les phares en avant pour aller chercher un peu ce que la Dart ressemble. On veut donner un air de famille au produit, là. Donc, on a fait un peu En ça. bien comme en mal. Ouais, mais j'étais pas sûr. Je te dirais, j'étais pas sûr au début, surtout pour le Charger. De ces nouveaux phares, je trouvais que ça y donnait plus petit, mais quand j'ai vu le produit fini, je trouvais que ça y donnait un air quand même assez intéressant. C'est sûr que de les présenter sur la L4, ça aide un peu. C'est certain que ça nuit pas. Tu sais, au départ, quand la première fois où j'en ai vu, c'est sûr que c'était là-dessus. Là. Fait que c'est sûr que Ouais, ça aide à le faire avaler. ouais, c'est ça. C'est sûr que ça aide à faire avaler le produit. Mais c'est ça, ça donne un beau look. On a la même affaire pour le nouveau 300. On a été chercher ces phares-là. On a mis une calandre un petit peu plus noircie, un petit peu plus agressive. Ça donne un beau look à la voiture. J'ai jamais détesté le 300. Ça a un marché plutôt bon. Niche, là, c'est pas la première berline que le monde va aller voir, mais j'aime le design qu'ils sont allés avec ça. J'aime le fait aussi que c'est une voiture qui ressemble à rien d'autre à peu près sur la route. C'est une grosse bagnole américaine. C'est ça. Il y en a plus vraiment d'autres, en fait, là. Comme ça, tu sais, ça a un design carré, c'est pas, tu sais, on va pas jouer avec les rondeurs pour la rendre plus sexy ou rien ça. La Comme 300 et la 300, elle a un air différent des autres produits Chrysler, puis c'est correct. c'est un facteur qui est jamais noté dans les comptes rendus d'automobile, mais c'est un auto qui a l'air très intimidant. Oui, Tu oh oui, c'est sûr. sais, le facteur de je me stationne en avant puis je suis venu te collecter est très présent avec une 300. Beaucoup plus que si on se pointe avec une Fiesta vert fluo ou est-ce que si on Avec débarque des pour pois des. roses, On voit ouais. trois gros monsieur italiens débarquer, venir collecter ou demander quelque chose. Il me semble qu'ils sont moins crédibles. Peut-être, ouais, je suis d'accord Les vois avec toi. débarquer d'une 300 noire, je paye et je pose pas de questions. Ouais. Puis en plus, la 300, j'en croise une souvent, c'est à 40, une argentée SRT8. Ça gronde. C'est assez impressionnant. Donc, c'est ça, on est allé chercher. On est allé Un nid chercher. de pipe, ça gronde. Ouais, c'est quand même pas super. Donc, c'est ça, on vient chercher un peu le look de la gamme, la 200, les produits Chrysler avec les phares, la nouvelle grille et tout ça. Donc, c'est bien. Selon ce qu'on a su aussi, l'intérieur est amélioré, beaucoup plus beau, des meilleurs des C'était-tu difficile? matériaux. Ben, depuis un bout Non, de temps. depuis la refonte, était beaucoup mieux, mais Ouais, puis depuis il un manquait bout d'années. encore une coche, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est, tu sais, c'est tranquillement Chrysler a fait ses produits. Le Charger a eu le droit à une refonte intérieure assez substantielle. C'est pas mal mieux que c'était. Le Challenger aussi, à ce que j'ai entendu dire, a un intérieur beaucoup mieux que ce que c'était au début. Donc la 300, la 200, je Rien pour regarde. comprendre. Ouais, ben c'est une Mais question. la 200 était très belle en dedans. Ouais, mais ça a l'air que c'est encore mieux. Je vais l'avoir au mois de janvier. Je vais avoir une 200. Si c'est celle que j'ai vue là l'autre jour, c'est une 4 roues motrices. Donc j'ai hâte de voir ça. Puis ils l'ont présenté à RPM là peut-être une couple de semaines. Puis ils ont vraiment été impressionnés de ce que Chrysler a fait avec cette voiture-là. Donc ils s'en vont dans la bonne direction. Là on s'en va avec un, c'est ça, intérieur. Il n'y a Ouais. pas si longtemps, c'était atroce. Ah, c'était des plastiques durs à grandeur, là, je veux dire. C'était je me rappelle justement les petites ailettes là, pour ajuster les ventilations. Ils nous restaient pratiquement dans les mains puis ils collaient ensemble quand on les fermait. Ah, oh, oui. Puis je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, je suis allé faire un voyage d'affaires pour le travail à Calgary dans ce temps-là. Puis c'était en hiver, puis il m'avait prêté un camion de la flotte qui est un Compass ou un Patriot. Oh Hey, ça là là. craquait cette affaire-là, c'est même pas drôle. T'étais arrêté à une lumière rouge, puis ça craquait de partout, là. Fait que quand tu roulais, c'était l'enfer. Fait que les produits se sont de beaucoup améliorés depuis ce temps-là. C'est plus du tout la même affaire. Mais si on en revient aux 300, bon, comme je disais depuis 3 fois, ils ont amélioré l'intérieur. Il y a un écran tactile de 7 pouces de série. Ça veut dire toutes les 300 vont avoir un écran tactile de 7 pouces. Il y a un écran de 8,4 pouces qui vient avec l'ensemble connectivité plus haut de gamme Uconnect. À ce que je sache, le Uconnect est aussi de base dans la 300. Puis là, ils vont avoir la connectivité Wi-Fi. Donc, tu vas pouvoir connecter ta tablette et tes choses avec le Wi-Fi sur le système Uconnect. Le système Uconnect, c'est... puis il n'y a pas personne de Chrysler qui écoute, puis je fais pas ça pour le donner de la pub, là. Mais le système Uconnect de Chrysler, c'est un des bons systèmes sur le marché. C'est un des systèmes qui fonctionne bien, que tu peux faire plein d'affaires avec. Puis je vais vous en reparler dans un prochain podcast de je sais pas que ça va te tomber quand cette voiture-là, mais quand j'ai fait le Dodge Journey avec un système vidéo pour les passagers arrière. Puis ce que ça peut faire, ce système-là, c'est comme... Mais moi qui est un fan de technologie, c'est vraiment capotant, là. Fait que je vous en reparlerai. Donc la 300 va avoir deux choix de moteur. V6 de 3,6 litres, qui est un Pentastar, qui produit 300 chevaux, 264 livres-pieds de couple. Là, on parle d'une voiture à propulsion ou une 4 roues motrices. Il y a une version 4 roues motrices de la 300 aussi. Puis le deuxième moteur, c'est un 8 cylindres de 5,7 litres qui produit 363 chevaux, 394 livres-pieds de couple. Ça doit être popé. Puis c'est ça, roue arrière ou transmission, pas une transmission, mais traction intégrale. Puis c'est une transmission automatique à 8 rapports qu'il y a là-dedans. pas de transmission manuelle, il faut quand même pas en demander trop. Puis la rumeur est que la version SRT va prendre le bord, donc elle va être juste plus disponible. Ça, je trouve ça plate, parce que je trouvais que c'était ça, même si faut que tu aies quand même les poches profondes pour te permettre une 300 SRT, là, j'imagine. Ça doit pas être donné. C'était quelque chose d'intéressant de voir une berline comme ça avec cette puissance-là, puis le son qui sortait de là. Je sais que le V8 régulier va avoir un son quand même intéressant, là, mais il y a de quoi dans la SRT, il rajoute un kit de jeu, puis il rajoute un kit d'apparence. Non, Ça ben c'est a l'air dans la méchant. tradition des grosses bagnoles américaines, là. Il C'est y en ça. avait avec des moyens moteurs, là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est un peu décevant, mais pour le reste, c'est une belle auto. Puis c'est drôle parce que quand j'écrivais mon article pour Kijiji, ma femme a jamais vraiment aimé la 300. Là. Elle trouvait que sa voiture qui avait l'air un peu bizarre. Elle a vu celle-là, puis la photo que Marc m'a donnée, elle est rouge avec une grille de noire. Elle a dit, oh, c'est donc bien beau ce char-là, c'est quoi? J'ai dit, c'est une 300. Elle dit, ah. Elle dit, ben, je Ah l'aime. ben il est plus beau. Elle dit, non, non, elle dit, ah, ben, je l'aime. Fait que c'est ça. Si par hasard, mon monsieur de Chrysler écoute, l'année prochaine, je vais t'achaler. Je vais vouloir l'essayer. Il y a aussi Cadillac qui a présenté les ATS V coupé et berline. C'est quoi le ATS V? Ben, c'est une ATS sur les stéroïdes avec un capot, oh ma foi, assez agressif, avec une immense bon fosse Donc, ouvrette d'air on y dessus. va pas dans subtilité. Non, non, non, non, c'est une Cadillac pour c'est un char pour la piste, là, finalement, là. C'est un char de course légal pour la rue. Bon, fait qu'on c'est ça, c'est une ATS avec bon un ensemble de jupes, une calandre, ça veut dire le pare-choc avant est différent, le pare-choc arrière, le capot est différent aussi. Le traitement habituel, là, Ouais, c'est ça. la version sport. On met des trappes d'air, des plus grosses roues, puis un kit de jeu. Ouais, avec des roues de 18 pouces en alliage avec des pneus de course, des Michelin Pilote Super Sport. À part de ça, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose de différent à part des sièges Recaro, des sièges de course. Puis on a aussi mis des insertions de fibres de carbone un peu partout. Puis c'est des sièges Recaro en cuir. On a un V6 double turbo de 3,6 litres qui produit un mince 455 chevaux, 445 livres-pieds de couple, donc c'est plus puissant qu'une Mustang, fait que c'est ça. Elle va être disponible avec une transmission manuelle à 6 rapports ou une transmission automatique à 8 rapports, incluant des palettes de changement de vitesse au volant. Puis elle va être disponible en coupé 2 portes ou en berline 4 portes, probablement au printemps. Donc, mettez vos sous de côté, remplissez votre cochon et puis vous allez mettre fin à la vie de votre cochon au printemps. J'espère que vous avez un gros cochon, parce que ça va prendre probablement quelques dollars. C'est intéressant. Ça va être quelque chose. J'imagine, je trouve juste, ça aurait été le fun s'il aurait fait un peu ce qu'on appelle sleeper, tu sais, pas mettre trop de gadgets qui donnent un look agressif dessus. Mais c'est souvent des autos qui servent pas. Ils sont plus achetés pour le statut que d'autres choses. C'est des autos qui servent pas pour ce quoi ils ont été conçus les trois quarts du temps. Non, non, mais Fait que ça serait drôle pareil, tu fait que sais. des fois, ben, il y en a qui aiment ça l'exprimer autrement qu'en pesant sa pédale. C'est probablement pour ça. Peut-être. Mais ça aurait été intéressant pareil. Je veux dire, t'arrives avec une Cadillac 4 portes de 455 chevaux qui a l'air de rien. Puis tu t'aperçois que c'est plus vite que la plupart du stock sur la route. Ça aurait Un été peu quand comme même les pratique. anciennes M3. Un peu. Ça avait Maintenant, l'air ils de sont plus rien, mais. subtils, eux non plus. Non, maintenant ils ont des couleurs comme orange pétant et bleu Ouf, ciel, des choses comme orange ça. désagréable. Oui, orange. Des fleurs Oui. comme ça. Moi, j'ai pris une photo je pense que c'est une M4. C'est une M3 ou une M4 d'une espèce jaune orange. Ah, l'espèce de jaune, oui, Assez dérangeant pour les ma rétines. blonde appelle ça vomitcha. Oui, Ah, c'est. ouais, pour avoir un chat à la maison, ouais, C'est ça. pas mal la bonne couleur. Il semble voir l'ingénieur chez BMW qui dit, bon, quelle couleur qu'on pourrait offrir aux clients cette semaine? Puis là, il y a le chat qui crache une boule de poils. Ouais, en plein ça. Super couleur, merci Mets-moi du métallique là-dedans, je te Minou. montre. Merci Minou. Es capable de m'en pondre une coupe de milliers de gallons. Bon, à part le train, on dérive. On dirait Un que peu. le décalage horaire me rentre dans le corps. Très fort. Mazda CX-3. C'est la mode présentement de faire des bébés VUS. Honda s'en vient, puis on va en parler plus tard. C'est le dernier sur ma liste. Le HR-V. Chevrolet. Je sais pas si ils ont-tu lancé le bal, ou, mais en tout cas, ça a été un des premiers que moi j'ai essayé avec le Chevrolet Trax. Non, mais Puis ça, au... dans le fond, c'est des sous-compacts Ah, avec une assise plus haute, là. Oh, surélevé. tu faut surtout pas espérer se rendre loin dans le bois avec ça. Ben, pas avec ça. De toute façon, j'essaierai pas de me rendre loin dans le bois, même avec un Escape ou un CX-5 ou un. Non, non, c'est pas le véhicule pour aller à la chasse, là. C'est pas fait, c'est fait, s'il y a des pistes, puis c'est quand même dégagé, c'est correct, là. Mais c'est pas un Jeep Cherokee, mettons, avec Non, un non, non, mais trail même. rated, là. Non, non, non, mais je parle même de niveau moyen, là, comme Oh, ouais, c'est ça. où on va aller avec un pick-up des fois, là, au camp de chasse ou au chalet de l'autre dans le fin fond du bois, là, c'est pas avec ça. Hein. C'est pas fait pour ça. Mais bon, c'est quand même un marché qui commence à prendre de l'essor. C'est le nouveau marché niche que le monde semble aimer. La nouvelle coqueluche. C'est ça. Donc, Mazda CX-3, petit VUS, ça ressemble un peu à un. C'est basé sur une plateforme de Mazda 2, donc ça vous donne un peu Ça l'idée de donne. la grosseur. Le CX-5 est bâti sur une plateforme de Mazda 3, donc ça vous donne à peu près la différence de grosseur. Le CX-3, si vous l'avez pas vu, ça ressemble un peu à un CX-5, mais avec un arrière de Mazda 3 hatchback, la Mazda 3 Sport, ou un peu sur la Mazda 2 Haulier. Donc c'est ça. Ça va être offert avec un 4 cylindres de 2 litres, qui est le même que dans Mazda 3, de 155 chevaux, 150 livres-pieds de couple. Oui, c'est un moteur Skyactiv. Transmission automatique à 6 rapports seulement. Ce que je sache, il n'y aura pas de transmission manuelle de disponible. C'est ça, ça va être disponible bientôt, j'imagine. Ça va être au printemps, ça aussi. Puis Mazda aussi utiliser le salon de Los Angeles pour présenter un restylage de la Mazda 6 puis du CX-5 qui sont pas des produits qui sont tellement vieux. Le CX-5 qui est le premier véhicule bon Skyactiv complet avec le look Kodo, le nouveau design Kodo qui est sorti sur le marché. Après ça, il y a eu la 6 puis il y a eu la 3. Ils l'ont refait un peu. Ça donne un look un petit peu différent. Juste, on a comme réarrangé certaines choses. Ça y donne un beau look. La Mazda 6 qui est quand même une des belles berlines sur le marché. Puis la même chose pour le CX-5 qui est un super beau VUS. Puis ils ont juste retravaillé un peu les affaires pour la rendre un petit peu plus moderne encore. Et puis ils ont présenté aussi la version nord-américaine de la nouvelle Miata. La petite MX-5 que beaucoup de gens attendent. Parce que oui, elle est belle, mais ce que les gens veulent savoir, c'est... Est-ce que ça se conduit comme l'ancienne? Parce que pour avoir conduit l'ancienne génération de la Miata, c'est du plaisir en boîte. T'es assis bas, c'est toi et la voiture, c'est hyper bien balancé, c'est une propulsion, c'est pas pesant, c'est pas surpuissant non plus, mais une Miata dans des courbes, Oui, c'est c'est amusant. assez le fun. Un petit roadster pour s'amuser. Ouais, c'est ça. Fait que c'est assez intéressant. Si vous cherchez un petit auto sport, puis un deux portes vous dérange pas, vous voulez du convertible et tout ça, là, une Mazda MX-5 ou Je sais pas, est-ce qu'elle a Miata grossi un usagée. peu ou c'est encore microscopique en dedans? Non, elle est encore supposément aussi petite. Ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a rajouté des technologies parce que dans la Miata que moi j'avais essayé, qui était quand même un modèle assez haut de gamme, avec le toit rigide et tout ça, il n'y avait pas de navigation, pas de Bluetooth et pas rien. Dans ma critique, quand j'ai fait l'article, j'en parlais, je dis, on s'en fout complètement parce que quand on conduit cette voiture-là, la dernière affaire qu'on veut faire, c'est recevoir un appel. C'est pas là l'intérêt, de toute façon. Mais tu sais, c'est le fun quand même d'avoir une voiture qu'on peut utiliser sur un petit voyage, on veut avoir un GPS, on veut avoir des choses comme ça, ben ça peut être inclus dedans. Ça va ressembler un peu à un intérieur de Mazda 3. Ceux qui ont vu l'espèce de petit écran surélevé sur le tableau de bord, là, ça va ressembler un peu à ça. C'est joli, c'est une belle auto. Ils ont fait un beau travail avec, une belle job, puis les phares sont un peu plus petits. Ça donne un look un peu différent. C'est très joli. Une voiture qui a bon, légèrement attiré mon attention. Ceux qui écoutent le podcast depuis un bout de temps ou qui me suivent sur Twitter, ça, savent que je suis un. Bon, j'aime légèrement la Mustang. Ils ont présenté la GT350. Donc, GT350, là, faut pas s'arrêter sur le fait que c'est une 350. C'est pas ce qui remplace la GT500. Faut se dire une chose, Ford va utiliser cette plateforme-là pendant le prochain 10 ans. Donc, faut se laisser du jeu pour sortir des versions spéciales et autres. J'étais 350, j'étais 500, même à l'origine, c'est loin d'être pareil. C'est ça. Donc, ils vont faire la même chose. Avant, on avait juste la GT500. Il y a eu des GT350 disponibles à un moment donné, mais ce que c'était, c'est finalement, tu pouvais pas l'acheter chez Ford. Fallait t'apporter une Mustang GT chez Shelby. Puis Shelby te la modifiait pour, je pense, la modique somme de 40 000 piastres. Dépendant de ce que tu prenais, là, tu peux avoir le kit, juste le look, pas de compresseur volumétrique, donc pas de supercharger, rien de ça. C'est vraiment juste un ensemble d'apparence. Ça coûtait comme 15 000, je pense. Quelque chose comme ça. Changer les pneus, kit de jupe et tout ça. Après ça, tu avais la version Ça fait cher complète. du fibre de verre. Ça fait cher pour du fil de verre. Ouais. Mais il change aussi la suspension, puis il y a plus de choses que ça qui changent. Là. Non, Mais j'imagine. Mais même au départ, les anciennes, de mémoire, la GT350, c'était un modèle qui était beaucoup plus orienté sur la compétition. La GT500, c'était pour sortir des chiffres puis rincer le moteur, ses lumières, là. ouais, c'est ça. C'était à peu près ça aussi pour l'ancienne 350. Là, on prend le nom 350. Puis on le met sur un produit qui va être vendu chez les concessionnaires Ford, là. Fait que vous allez pouvoir trouver la GT350 dans un concessionnaire. Normalement, c'est les concessionnaires qui sont certifiés SVT, donc Special Vehicle c'est quelque chose. T. Special Vehicle T. Le nom m'échappe, mais c'est quelque chose comme ça. Puis donc c'est ça. Moi, c'est un quelque chose que j'attendais. Oui, j'attendais depuis des années la présentation de la Special Mustang, puis c'est Vehicle fait. Team. Special Vehicle Team, et voilà. Fait que c'est ça. J'attendais la nouvelle Mustang depuis un bout de temps. J'attendais. Après ça, un coup qu'on a vu ça, ben je me disais, ah, ben là, ils vont présenter une Shelby. Il y a des rumeurs qu'il va y avoir une Mach 1 aussi. Il y aura pas de ils referont pas de Boss 302 parce qu'ils veulent que les Boss 302 qui ont été faites en 2012-2013 gardent leur valeur. Donc, on ne ressortira pas le nom Boss 302 tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait vers la fin de vie de la plateforme présente. Comme je vous disais, ça va être probablement une dizaine d'années. Fait que là, on sort la 350. C'est quoi la GT350? Ben, c'est une voiture qui est propulsée par un V8 de 500 chevaux. On dit à peu près, le Ford n'a pas donné de chiffres précis, on dit plus de 500 chevaux et plus de 400 livres-pieds de couple. Puis c'est un moteur, ce qu'on appelle un flat crane. Là, j'ai aucune idée comment le traduire en français, là, mais c'est un moteur qui marche à plat. Au lieu d'avoir les cylindres debout comme un moteur régulier, c'est comme à plat. Mais le fonctionnement, j'ai pas trop regardé, là, mais je sais que c'est un moteur assez différent. C'est un peu ce qui est utilisé dans les Ferrari, des choses comme ça, des moteurs V8 à plat. Ça a un son un petit peu différent. Puis ça a l'air que la puissance est une meilleure. La puissance est mieux livrée par ce style de moteur-là. Donc c'est ça qu'on a dans la Mustang GT 350. C'est un nouveau moteur qu'on a fait pour ce produit-là. Il va être bon avoir un différentiel à glissement limité. On n'a pas tellement le choix. Transmission manuelle à 6 rapports. C'est drôle, j'ai vu des. Je lisais des commentaires sur certains sites puis disaient, ah, puis un automatique, non. Non, rêve pas, t'auras pas de Shelby automatique. À ce que je sache, ça s'est jamais fait. Peut-être dans l'ancien temps, les anciennes Shelby, là, mais j'ai pas fait la Peut-être plus dans une GT500. Ça Bon. a beaucoup plus de chance. GT350, comme je te dis, c'est des versions qui étaient beaucoup plus. Pour la piste. Ouais, c'est plus orienté vers un peu comme les GT300, les 350H qu'ils avaient fait pour Hurst. Pour Hertz, ouais, c'est ça, qui revenait avec plus rien dedans. Qui se faisait battre à tour de bras toutes les fins de semaine. Ouais. Puis ils ont été obligés, c'est ça, l'histoire est assez intéressante là-dedans. Je préfère l'histoire de Carroll Shelby à un moment donné, parce que c'est quand même intéressant son histoire. Puis oui, il a sorti plusieurs produits. Puis les GTH, ça a été un bon coup. Ça a aussi été un mauvais coup, parce que le monde en profitait assez salement. Mais bon, fait que transmission manuelle, c'est ce rapport, pas de transmission automatique, c'est ça. Je trouve ça drôle, les commentaires. Ouais, mais as-tu déjà été... Les Shelby récentes, donc, depuis le retour des Shelby en 2005, a pas eu de version automatique. C'est juste du manuel. C'est très bien comme ça. Mais c'est très bien comme ça. Et puis, bon, jante en alliage de 19 pouces, les pneus, c'est la même chose qu'on retrouvait sur la, je pense, si je parlais de la Cadillac tantôt, des Michelin Pilote Super Sport. C'est les pneus de prédilection pour les voitures de haute performance américaines. Puis tu vas avoir l'option, tu vas racheter un ensemble pour la piste, donc un track pack qui va avoir des systèmes de refroidissement pour tes huiles, donc l'huile de transmission, l'huile de moteur. Puis tu vas avoir aussi système de climatisation, de la technologie qu'on n'avait pas avant, climatisation à double zone, écran tactile de 8 pouces avec le MyFord Touch, puis tout ça. Donc, la Mustang arrive dans le 21e siècle. L'ancienne Mustang jusqu'en 2014, qui est la dernière génération, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas avoir. Là, vous allez avoir des systèmes d'assistance à la conduite comme le cruise control adaptatif, le régulateur de vitesse adaptatif, le avertissement de changement de voie. La Mustang va recevoir à peu près tout ce qu'il y a dans le catalogue de Ford côté technologie. Fait qu'on amène la voiture vers le nouveau siècle là, qui est quand même bien. Puis il y a, bon, comme je disais tantôt, le Honda HR-V qui s'en vient bientôt. Ça va être disponible, je pense c'est dans les prochaines semaines. C'est pas si loin que ça là. Ça s'en vient prochaine semaine ou au pire au printemps. Mon petit VUS s'est bâti sa plateforme de la Honda Fit. Donc, tantôt, on parlait du CX-3 de Mazda qui était bâti sa plateforme de la Mazda 2. Là. Celle-là, c'est sur la Fit. Va être disponible en traction intégrale ou en traction avant de base. Il vient déjà bien équipé. Il va venir avec une caméra de recul de série. Donc, même si vous achetez le modèle de base, il va avoir une caméra de recul. Puis ça, c'est pour... être légal aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, je me rappelle pas si c'est l'année prochaine ou en 2016, mais la caméra de recul va devenir obligatoire sur toutes les voitures vendues aux États-Unis. Ce qui va donner une raison de plus de faire des arrières où on peut pas voir rien quand on recule. Certains constructeurs sont déjà super bons là-dedans. On va juste devenir meilleur. Mettre une fenêtre de sous-marin en arrière, genre un petit rond où ce que tu vois Ah, rien. ça en est ridicule. Mais oui, mais c'est ça. Mais une caméra de recul, c'est bon pour reculer. Hein. Quand tu conduis, si tu vois rien en arrière, c'est plus un Oui, pas plus avantage d'avoir d'Adam. une caméra. Mais c'est ça. Mais Honda a des systèmes quand même intéressants pour ça. Je sais pas s'ils vont. Ils vont probablement l'avoir là-dedans aussi. J'ai essayé une Civic SI dernièrement aussi. Il y a tellement plein d'autos que j'ai essayé que je n'ai pas encore parlé. Il faudrait que je me fasse une liste à un moment donné puis que je descende tous les modèles. Il faudrait que je fasse des émissions à un moment donné avec deux autos par podcast parce qu'à un moment donné, je finirai plus. Mais dans Civic SI, j'avais essayé ça la première fois sur un Accord HFP. Il y a un système où quand tu changes de voie, quand tu mets ton clignotant vers la droite pour changer de voie, il y a une caméra dans le rétroviseur qui te montre dans l'écran du système de divertissement ce qui se passe à côté. Fait que tu vas voir l'auto dans ton angle mort, puis au lieu d'avoir à te tourner la tête pour regarder dans le rétroviseur, c'est affiché dans ton écran de ton système de divertissement. Fait que c'est super intéressant. Puis tu peux l'allumer puis toujours l'avoir là, ou tu peux l'allumer toi-même ou il s'allume automatiquement quand tu mets ton clignotant, puis là, tu peux le désactiver si tu veux. Mais ça fonctionne quand même assez bien. Le HR-V va avoir ça aussi. Petit moteur 4 cylindres de 1,8 litres qui produit 138 chevaux, 217 livres-pieds de couple, puis il va être disponible avec une transmission manuelle à 6 rapports ou une CVT comme transmission automatique. Puis c'est à peu près ça. Il y a un modèle que j'ai pas mis dans mon article qu'on parlait un peu avant d'enregistrer qui est le Golf R, Volkswagen a apporté. Puis ça, c'est vraiment comme montrer une bébelle à un enfant, puis dire, tu l'auras pas. Ils ont apporté une Golf familiale, donc la Golf Wagon, là, pas la Golf régulière qui est un hatchback, mais la Golf vraiment familiale, donc la version allongée, Golf R. Donc, on parle d'un bon vieux station wagon avec un moteur de 300 chevaux dedans. Donc, ça déplace beaucoup de choses assez vite. Pour avoir essayé la version diesel de cette Golf-là, ça se déplace déjà pas pire avec un moteur diesel. Ça a de l'espace. Ça a plus d'espace que beaucoup de VUS que j'ai essayé sur le marché. Le coffre là-dedans est vraiment incroyable. Puis si tu as le malheur de vouloir descendre les sièges en arrière pour mettre quelque chose de plus encore, ça devient presque interminable comme coffre, là. C'est vraiment hyper grand. Donc on nous offre ça avec un moteur. C'est un 4 cylindres 2 litres turbo compressé de Était 300 déjà chevaux. amusante à conduire. Ah, c'est ça. Fait qu'imagine avec ça va être incroyable. 300 chevaux, 280 livres pieds de coupe. Puis si ça, c'était pas assez, elle 4 roues motrices. Ouais, fait que pour moi, c'est notre enquête là. ça. Puis elle va être livrée avec. Il parle pas de transmission manuelle, mais ça va être une 6 vitesses DSG. Donc c'est une transmission. Quand on parle DSG, on parle de transmission à double embrayage. C'est. Bon, avec une transmission comme ça, on a zéro besoin d'une transmission manuelle. Ça va changer de vitesse plus vite que nous autres, on est capable de le faire, à moins que vous soyez un hyper bon conducteur. Puis même là, c'est vraiment précis comme Ça transmission. se remet en complètement automatique quand on se sent plus paresseux. Ah, c'est ça. Puis on parle pour une voiture de ce type-là, on parle d'une consommation d'à peu près 6 litres au 100 km. Fait que c'est. Quand ça arrive, ça va juste arracher, regarde. Ça va être disponible en Europe. Pas de Va arriver à ceux qui y pensent commentaires. fort, fort, fort en allant faire dodo. Ouais, c'est ça. Fait que pour le reste, je veux dire, on le sait pas. La Golf familiale est offerte ici, elle est offerte aux États-Unis. Je sais pas si c'est encore vrai. Aux États-Unis, elle se vendait sous le nom de Jetta. Wagon et non pas Golf, tandis qu'ici on l'offre sous le nom de Golf. C'est exactement la même voiture. Même ici, elle était Peu offerte sous le nom. marketing. Ouais, même ici, elle était offerte sous le nom de Jetta Wagon à un moment donné. Puis ils l'ont changé pour Golf. Aux États-Unis, elle a gardé le nom de Jetta parce que les Américains aiment pas les voitures hatchback. La Golf est une voiture hatchback. La Jetta n'en est pas une. Donc les Américains aiment la Jetta. La Jetta a été créée pour les Américains au début parce que il voulait pas de Golf parce que c'était un hatchback. Fait que là, on a donné le nom de Jetta Sport Wagon à la Golf familiale aux États-Unis. Puis ils la vendent comme ça. Fait que, mais là, qu'ils la présentent comme une Golf R, j'aurais pensé qu'il aurait mis un petit. Il aurait Comme changé son vrai nom. le. Ouais, ça, j'aurais pensé qu'il aurait changé l'insigne dessus vite vite, puis mettre Jetta au crayon feutre, tu sais. Ça, c'est s'ils voulaient le vendre. Là, ils ne planifient pas de le revendre de toute façon. Non, mais c'est comme, je sais pas, c'est le fun de montrer ça aux Américains, en leur disant, regarde, voici ce que vous n'aurez pas. Mais bon, ils ont quand même pris le temps de mettre ça sur un bateau, amener ça ici pour dire aux Américains, voilà ce qu'on vous vendra pas. Mais c'est quand même ça, c'est quand même un produit intéressant, puis j'ai hâte de voir si quand même un jour, peut-être, on va l'avoir ici. Fait que ça va faire pas mal de tours. Il y avait une coupe d'autres affaires, là, mais il y a Fiat qui a présenté le Fiat 500X qui va être un VUS aussi basé sur la plateforme de la Fiat. Bon, on garde le nom Fiat 500, là. C'est basé sur la plateforme du Fiat 500L. Je me rappelle pas, c'est la même plateforme aussi que le nouveau Jeep Renegade va être bâti dessus. Jeep Renegade qui va être un bébé Jeep, mais qui va avoir des vraies capacités hors route selon ce qui est annoncé. Donc, une Il avait dit la version. même chose du Compass puis du Patriot. Ouais, il y avait des versions trail rated aussi, là, mais Il bon. allait pas loin non plus. Mais ça va être quand même pas si pire. Ça va être un produit qui va être joli, plus petit pour les gens qui veulent un Jeep, mais qui veulent pas avoir quelque chose de trop gros puis trop cher non plus. Ça va être pas pire. Ah, puis il y a aussi Galpin puis Fisker qui ont présenté une Mustang modifiée avec 725 chevaux, là. Mais bon, ça, c'est un produit niche qui verra jamais le jour, qui a quatre chics arabes qui vont s'en payer une, puis ça va être à peu près ça. Puis à part de ça, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a un je veux dire, il y a d'autres Voilà, il produits, y en là, a, mais. il y en aurait pour la journée, Non, vouloir. c'est ça, mais on passera pas à travers tout parce qu'on finira, justement, on finira pas. Puis, à ce que je sache, on a déjà dépassé de presque le double. Oh! Donc, on a un fin d'émission d'une demi-heure par semaine, Spécial mais 2 pour 1. c'est ça, spécial 2 pour 1. Puis, je le couperai même pas en deux pour vous le présenter en 2 semaines. Je vais tout vous mettre ça d'un coup. On est généreux de même. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop tannés. On va mettre fin au podcast là-dessus. Ce que je vais vous dire, c'est que je vous parlais de Marc Bouchard. Ben, je vais parler de Marc Bouchard 2 fois. Faut qu'il m'envoie un plus gros chèque. Non, c'est pas vrai. Mais la semaine prochaine, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, on va avoir Marc Bouchard et Bertrand Godin sur l'émission. Je vous parlais voilà, une couple de semaines d'un jeu qu'ils ont créé qui s'appelle Les Incollables Auto. Donc, ils vont venir faire un tour, vont venir nous parler du processus de création du jeu et tout ça. Pourquoi qu'ils ont décidé de faire ça. Et puis, on va aussi jouer au jeu. Donc, moi, j'ai le jeu avec moi. Je l'ai apporté de chez moi au Nouveau-Brunswick. Puis, je vais pouvoir vous poser des questions. Puis, on va voir qui va avoir des réponses. Puis, on va voir même si les créateurs vont répondre aux questions qu'on va poser. Parce que des fois, t'as beau avoir. Même, t'sais, même si tu as fait la recherche, puis tout ça, puis tu as fait les questions, tu t'en rappelles pas toutes. C'est clair que si j'en sors une difficile, il y a des chances que. Qu'il y ait des réponses qu'il n'y ait pas nécessairement. Fait qu'on va s'amuser avec ça, avec eux autres. Puis dans les prochaines semaines, je vais aussi avoir on va aussi avoir un nouveau collaborateur, Yannick. Yannick va venir nous parler de quad et de tout ce qui a rapport avec bon, les 4 roues, des choses comme ça. Donc, on va avoir un nouveau collaborateur qui va venir une fois de temps en temps, probablement comme une fois par mois, nous parler de ce qui se passe dans l'univers du quad et tout ça. Fait que j'espère que ça va vous intéresser. J'espère qu'on vous a pas trop écœuré. Ça n'a pas été trop long et puis que vous êtes encore en train de nous écouter. Sinon, ben c'est ça, on vous a perdu. Ben, sinon, Mais c'est ça, non, rien de le dire, ben, ils sont déjà plus sont là. déjà plus là. Mais je vous remercie encore de nous avoir écoutés. Les gars, si les gens veulent vous rejoindre, comment peuvent-ils faire? Tiens, Jean-François, c'est pas long, on va commencer par toi. Ouais, c'est vrai, c'est pas long. c'est seulement par Twitter, JFLIU, pour l'instant. C'est beau. Toi, Martin? Moi, ça, la plupart des réseaux sociaux, c'est mon nom. Sinon, il m'est déjà arrivé, il m'arrivera éventuellement, probablement un jour, d'écrire sur le site du podcast Auto. C'est pas pour mal faire, c'est parce que j'ai un emploi du temps plus que très chargé, puis je cours partout. Je te comprends tellement. Donc, et moi, si vous voulez me suivre, bien sûr, Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi le compte du podcast qui est à Podcast Auto. On a une adresse courriel qui ramasse, comme dans un vieux western, les boules de foin tournent dedans et tout ça. Mais je vous comprends, c'est pas nécessairement évident d'envoyer des courriels, ou si vous avez des courriels à envoyer, vous allez peut-être les envoyer à Marc à la place de moi. Mais si vous voulez nous écrire, c'est lepodcastauto@gmail.com. Vous pouvez lire mes articles sur le blog de Kijiji. À chaque semaine, c'est frkijijiblog.ca. Et puis, c'est pas mal ça. Si vous aimez la techno, vous pouvez écouter un autre podcast que je fais aussi avec Jean-Benoît Gagné, qui, jadis, un jour, voilà un petit bout de temps, à peu près, genre, la dernière fois que Martin m'a écrit un article sur le site, était animateur du podcast Auto. Il anime un show qui s'appelle Réalité Augmentée, où on parle de technologie, de jeux vidéo et tout ça. Et puis, si vous écoutez l'émission de cette semaine, donc la semaine du 2 décembre, on va avoir le fils de Marc Bouchard. Non, Marc m'a pas menacé d'inviter son fils, mais son fils est un gamer, donc il va venir parler d'un jeu qu'on va critiquer cette semaine, qui est le nouveau jeu de Pokémon. Oui, je parle de Pokémon, c'est un podcast de char, je sais pas ce que je fais, mais c'est ça, fait qu'il va venir critiquer ça, fait qu'on va jaser de ça. Il y a ça, puis j'ai un autre podcast aussi qui s'appelle Histoire de Gamer. Si vous aimez les jeux vidéo, vous pouvez écouter ça aussi. Ça, c'est plus biographique, je parle avec quelqu'un de son historique de jeux vidéo, tout ça. Fait qu'il y a comme 25 épisodes aussi là-dessus. Je suis presque partout. Trop même, je commence à me taper ses nerfs. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir enduré ce podcast extrêmement long. Puis là-dessus, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Puis comme je vous dis, si tout va bien avec Marc Bouchard et Bertrand Godin et mes deux comparses qui étaient avec moi Yes. ce soir. Merci, messieurs. Puis ben, on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye. Salut, là.